avant qu'il coûte au sol. Placement de clé et on peut relatif. Qui doutait qu'on serait debout ensemble. Qu'on se le dise, péter le bise. 1, 2, 3, j'ai même plus de quel tome. Compte les brises, quoi que tu dises. En tout cas t'auras goûté la pomme. J'aimerais te dire, je me lève du bon but. Bouillon comme un pompier, je vois rouge, mais tu honte, laisse pomper. Viens pas te la raconter, ton histoire, je vais te la conter. Ambiance plan B, son plan B, j'ai tenté. Une multitude de fois, de percer le multiverse. Tu sais, moi, c'est légendaire comme la Perse. D'emblée, tout passe crème ou tout casse vite. Pour Batten, tu me suces la bite, tout t'as tenté. Oulalala, j'suis trop malade, moi. Retourne en vain, luxe au cardave. Couilla mama, les boules à papa. On lâche gaz moutin, on pèse le karma. Imagine, tube de l'année, porte un blaze de maladie. Imagine, luc profané, à ton baise au paradis. On arrive, qui disait avant qu'il coûte au sol. Placement de clé et on peut relatif. Qui doutait qu'on serait debout ensemble. Qu'on se le dise, péter le bise. 1, 2, 3, j'ai même plus quel tome. Compte les brises, quoi que tu dises. En tout cas t'auras goûté la pomme. On est pudique, unique, nique, ZP, ludique, maudit, pire, ZP. Y'a plein de nouveaux dans le hip-hop, les mecs font les stocks. T'as le UK, Lisa, mon aimant. J'suis venu livrer la qualité, l'équipe est qualifiée. Et les nôtres sont calibrés, que sa mère l'humanité voudrait éradiquer. T'achètes plus le poisson, c'est pas moi qui va te niquer. T'es dans l'autotune, j'suis dans l'autocar. T'as besoin de thunes, j'peux rouler en car. C'est pas du bric-à-brac, j'suis venu braquer le rap. J'suis pas un Picasso, y'a bien qui pas à battre. J'attire la haine, ça me fait bonder. Qui dit Hades, 19ème, vas-y laisse tomber. On rappait dans les caves et on y est encore. Fidèle à moi-même, jamais en désaccord. Fois plus. On arrive, qui disait avant qu'il coûte au sol. Placement de clé et on peut relatif. Qui doutait qu'on serait debout ensemble. Qu'on se le dise, péter le bise. 1, 2, 3, j'ai même plus quel tome. Compte les brises, quoi que tu dises. En tout cas t'auras goûté la.